Je suis abonné à une salle de sport, mais j'y vais jamais. Plus de 600 personnes sur mon phone qui attendent un appel. Ouais, les gens se demandent chez moi ce qui cloche, à quoi dans ma tête. On m'invite dans une fête, un love, où j'irai jamais. Ils attendent juste que je sorte un truc depuis des années. Pendant que je tease mon gin tonic au bord de la mer. Pourquoi débattre si c'est pour me dire que c'était mieux à l'époque? C'est pas parce qu'il n'y a pas d'autotune, c'est pas de la merde. Appel sur mon tel, c'est sûr je décroche pas. Ouais, comme d'habitude, moi je fais le mort. Ouais, petit à petit je deviens parigo. La ville paraît plus vite depuis le dernier étage. J'ai jamais l'impression de faire des efforts. Je devais finir à l'idée. Jamais je pensais faire un 10, moi. Maintenant je traîne même avec mes idoles. C'est vrai dire que je vais finir à l'idole, bébé. Jamais tu porteras mon vice, toi. Jamais tu porteras mon vice. Je suis à tes côtés pour ton poste derrière. Mon métier n'attire pas les gosses, sérieux. Je suis défoncé dans la tête, là. Je suis défoncé dans la caisse. Je suis défoncé dans la caisse, là. Je suis défoncé dans la caisse. Merci pour tout, mais cette marque de luxe, je la mettrai jamais. Surtout quand je vois toutes ces faces de cul qui se trimballent avec. Rappelle-toi quand tu me disais que la clope c'était pour les faibles. Rappelle-toi quand tu me disais la coke, j'y toucherai jamais. Je suis dans une émission de télévision, mais je sais pas laquelle. J'écoute plus les questions, elles me font tellement mal à la tête. Je fais de la monnaie pour la mif, enfin, qui sont les vrais qui se déguisent pas. Aucune relation n'est acquise, moi j'atteins la cible mais je ne vise pas. Appel sur mon tel, c'est sûr je décroche pas. Ouais, comme d'habitude, moi je fais le mort. Ouais, petit à petit je deviens parigo. La ville paraît plus vite depuis le dernier étage. J'ai jamais l'impression de faire des efforts. Je devais finir à l'idée. Jamais je pensais faire un 10, moi. Maintenant je traîne même avec mes idoles. C'est vrai dire que je vais finir à l'idole, bébé. Jamais tu porteras mon vice, toi. Jamais tu porteras mon vice. Je suis à tes côtés pour ton poste derrière. Mon métier n'attire pas les gosses, sérieuse. Je suis défoncé dans la tête, là. Je m'ennuie tout le temps dans vos rêves.